Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le dernier samedi du mois et c'est le moment de la saga. Aujourd'hui, je vais vous parler de Billy Ocean. Alors, Billy Ocean, de son vrai nom Leslie Sebastian Charles, est un chanteur de R&B anglais né à Trinidad et Tobago le 21 janvier 1950. Il déménage à Londres à l'âge de 8 ans pour rejoindre ses parents qui avaient immigré dans le pays. Alors, après avoir quitté l'école, il travaille d'abord comme tailleur et ensuite il va être embauché chez le constructeur automobile Ford à la fin des années 60. Tout en travaillant, il chante dans divers clubs londoniens et va sortir en toute discrétion son premier single en 1974 sous le nom de Scorched Hearts. C'est le nom qu'il va prendre en premier. Alors qu'il signe un contrat avec le label GTO en 1976, il va prendre son nom d'artiste, Billy Ocean, et va sortir son premier album éponyme. Billy Ocean a eu du succès dans le monde entier en 1976 avec sa chanson Love Hurts Without You Really. Et il va alors quitter son emploi chez Ford pour se consacrer à la musique. En 1977, il va sortir Red Light Sort Danger. Alors pendant cette période, il commence à écrire des chansons pour des artistes tels que LaToya Jackson et Doolis. Après le succès de Love Really Hurts Without You, il sort un autre single notamment Love on Delivery et Stop Me. Puis Red Light Spell Danger qui deviennent à leur tour des succès au Royaume-Uni et aux États-Unis. Alors on va écouter tout de suite le premier single de Billy Ocean, Love Hurts Without You Really. Les années 80, après un changement de maison de disque, il change également d'équipe artistique avec un son, dirons-nous, plus R&B, mais toujours dansant. Elle va sortir European Queen au Royaume-Uni. Alors la reine, elle va s'avérer sans éclat, car le titre, il va passer complètement inaperçu. Alors, convaincu par le potentiel du morceau, Billy Ocean, il va le remixer un peu, et il en profite pour changer le titre, qui a désormais une touche plus exotique. Il va l'intituler Caribbean Queen. Les couplets seront les mêmes, seuls les refrains seront réenregistrés, et pour le clip, on verra rien du tout, hein. Ça sera comme une lettre à la poste, on va dire. Cette fois-ci, le succès va être au rendez-vous, même aux États-Unis, où le titre il mettra 12 semaines pour grimper à la première place des meilleures ventes de 45 tours, et il va y rester 2 semaines. Ce succès inspire un employé de la maison de disques pour une troisième version, African Queen. Alors, ça n'a rien à voir avec le film, mais parce que ça n'aura guère d'effet sur les ventes. C'est peut-être pourquoi on n'a pas eu Japanese Queen ou Australian Queen ou French Queen. En revanche, on a une réponse chantée par Melba Moore, King of My Heart. Alors en France, Caribbean Queen, ça va arriver jusqu'à la 23e place, pendant que Billy Ocean est récompensé au même moment par le Grammy Award de la meilleure prestation vocale R&B masculine. Les singles Loverboy, Suddenly et Mystery Lady rencontreront également un large public. Écoutons voir cette reine. Gadget, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. Dans la foulée, il va signer la bande originale du film Le Diamant du Nil avec le titre When the Going Gets Tough, The Tough Get Going, qui deviendra un succès majeur du chanteur. On retrouve ce tube sur l'album Love Zone, produit par Barry Eastman. Ça va devenir un gros carton et, ça sera également marqué par le titre There Will Be a Sad Song to Make You Cry. La réussite désormais ne le quitte plus. L'opus suivant, Tears Down This Wall, est en tête des charts. Get Out of My Dreams, Get Into My Car, c'est la BO du film License to Drive. Love is Forever et The Color of Love sont les trois chansons marquantes de cet album. Billy Ocean se lance dans une tournée internationale, puis sort un best-of. I got L'album suivant, Time to Move, paru en 1993, n'a pas rencontré le même succès et Billy Ocean va s'accorder alors une pause de 15 ans durant laquelle il va se recentrer sur sa famille. Il retourne en studio en 2008 et va sortir en 2009 l'album Because I Love You. En 2010, il ressort à nouveau un best-of et en 2013, il va sortir l'album Here You Are. On va écouter Mystery Lady. Mystery, oh, mystery. l'université de Westminster, en Grande-Bretagne, va décerner à Billy Ocean un doctorat honorifique en musique, pour l'ensemble de toute sa carrière, bien sûr. Fin 2010, il va recevoir un prix pour l'ensemble de son œuvre lors de la 15e cérémonie des Mobo Awards à Liverpool. Allez, Loverboy! Be your lover, lover, wanna be your. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Je ne sais pas si vous vous rappelez du clip de Loverboy où on y voit des extraterrestres et une sorte d'homme lézard. Oh, je vous invite à aller le regarder sur un site de streaming. Alors, on va continuer parce qu'en 2010, Billy il va reprendre la route avec son groupe au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. Et la sortie de The Very Best of Billy Ocean, qui est entrée dans le palmarès des albums britanniques au numéro 17, il va retrouver les charts donc. Et ça s'est vendu à 72 000 exemplaires en 4 semaines. Succès d'estime, on va dire. En 2016, Billy va annoncer la sortie du double CD Hey You Are The Best of Billy Ocean en avril. Et avec des nouveaux morceaux et une sélection de ses plus grands succès, ben, c'est le principe d'un best-of. Billy Ocean va rester le plus grand chanteur soul anglais à ce jour. On va se quitter sur ces belles paroles et sur Stay the Night. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir, un bon dimanche, une bonne semaine, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à samedi prochain. Bye bye.